devant sa mère, Jean demande alors à Madame Rosemélie si elle est toujours d'accord pour l'épouser. « Monsieur, je ne change jamais d'avis, moi. » Ce fut lui qui demanda. « Le plus tôt possible, n'est-ce pas ? Quand vous voudrez. 6 semaines ? Je n'ai pas d'opinion. Qu'en pense ma future belle-mère ? » Madame Roland répondit, avec un sourire un peu mélancolique. « Oh, moi, je ne pense rien. Je vous remercie seulement d'avoir bien voulu Jean, car vous le rendrez très heureux. On fera ce qu'on pourra, maman. » Un peu attendrie pour la première fois, Madame Rosemélie se leva et, prenant à plein bras Madame Roland, l'embrassa longtemps, comme un enfant. Et, sous cette caresse nouvelle, une émotion puissante gonfla le cœur malade de la pauvre femme. Elle n'aurait pu dire ce qu'elle éprouvait. C'était triste et doux en même temps. Elle avait perdu un fils, un grand fils, et on lui rendait à la place une fille, une grande fille. Quand elles se retrouvèrent face à face, elles parlèrent d'un tas de choses auxquelles il fallait songer pour que ce prochain mariage. Et quand tout fut décidé, réglé, Madame Rosemélie parut soudain se souvenir d'un détail et demanda « Vous avez consulté M. Roland, n'est-ce pas ?» La même rougeur couvrit soudain les joues de la mère et du fils. Ce fut la mère qui répondit « Oh non, c'est inutile. » Puis elle hésita, sentant qu'une explication était nécessaire et elle reprit « Nous faisons tout sans lui rien dire. Il suffit de lui annoncer ce que nous avons décidé. » Madame Rosemélie, nullement surprise, souriait, jugeant cela bien naturel, car le bonhomme comptait si peu. Quand Madame Roland se trouvant dans la rue avec son fils. « Si nous allons chez toi, dit-elle, je voudrais bien me reposer. » Elle se sentait sans abri, sans refuge, ayant l'épouvante de sa maison. Ils entrèrent chez Jean. Dès qu'elle sentit la porte fermée derrière elle, elle poussa un gros soupir, comme si cette serrure l'avait mise en sûreté. Puis, au lieu de se reposer, comme elle l'avait dit, elle commença à ouvrir les armoires, à vérifier les piles de linge, le nombre des mouchoirs et des chaussettes. Elle changeait, l'ordre établi, pour chercher des arrangements plus harmonieux, qui plaisaient davantage à son œil de ménagère. Et quand elle eut disposé les choses à son gré, aligné les serviettes, les caleçons et les chemises sur la tablette spéciale, divisé tout le linge en 3 classes principales, linge de corps, linge de maison et linge de table, elle se recula pour contempler son œuvre et elle dit « Jean, viens donc voir comme c'est joli !» Il se leva et admira pour lui faire plaisir. Soudain, comme il s'était rassis, elle s'approcha de son fauteuil à pas léger par derrière et, lui enlaçant le cou de son bras droit, elle l'embrassa en posant sur la cheminée un petit objet enveloppé dans un papier blanc qu'elle tenait de l'autre main. Il demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Comme elle ne répondait pas, il comprit, en reconnaissant la forme du cadre. « Donne !» dit-il. Mais elle feignit de ne pas entendre et retourna vers ses armoires. Il se leva, prit vivement cette relique douloureuse et, traversant l'appartement, alla l'enfermer à double tour dans le tiroir de son bureau. Alors, elle essuya du bout des doigts une larme au bord des yeux, puis elle dit, d'une voix un peu chevrotante, « Maintenant, je vais voir si ta nouvelle bonne tient bien ta cuisine. Comme elle est sortie en ce moment, je pourrai tout inspecter pour me rendre compte. »